Ouais, tu te rappelles de ce que t'as fait au frérot? Comment ça, ce que j'ai fait? Comment ça, ce que t'as fait, sale bâtard? Mais t'es un ouf ou quoi, toi? Ah, je suis un ouf en plus. Il a grandi trop vite. Puis on va reparler, c'était sa dernière visite. Donc il a, il a, il a, il a, il a, il a, il a, il a. Il a grandi trop vite. Puis on va reparler, c'était sa dernière visite. Donc il a, il a, il a, il a, il a, il a, il a. Petit peu big crap, chichon. Touché gros nichon. Bifton dans les chapeaux. Je porte 10 ans. Vite un loca, vite fait prison. Parents déçus, un corps gisant dans flaque de sang. Pas question de changer de life pour un bas garçon. Allez, deviens schizo, freine, glisse, freine, vend plus sa maison et perd sa raison. Coup de dans la cellule, blessé, allant pas de parois et encore moins de pardon. Petit frère a grandi, tard, il se coupe pas les veines, il veut pas devenir man. Il lui s'étend, il croit que c'est dans les gènes. Mon inspiration n'est pas fictive ou d'admiration, elle est réelle. Promenade, carbone, les mecs s'entretuent pour morceaux d'argent, coupe même les oreilles. Il a grandi trop vite, puis on va reparler, c'était sa dernière visite. Donc il a, il a, il a, il a, il a, il a, il a, il a. Il a grandi trop vite, puis on va reparler, c'était sa dernière visite. Donc il a, il a, il a, il a, il a, il a, il a, il a. La Zombrie n'est pas son monde, mais ça il ne savait pas. Il a connu l'embrouille de trop qu'il ne fallait pas. Il a mis l'entrée dans un sale état. Tout le monde lui avait dit ne t'emballe pas. Maintenant il cogite l'ennui et son cœur palpite. Il veut esquiver l'ennemi si c'est dur de se sauver. Les gens sont mauvais, il veut changer de bâtiment le petit. Il a toujours pas compris. Tout le monde se croise, sa maladie devient sournoise. Paranoïaque, flippant, regarde de gauche à droite dans la promenade. Disant qu'il sent la patate, il sent le guetta. Il a aimé la rue, il aura sa vendetta. Il sent la patate, il sent le guetta. Il a aimé la rue, il aura sa vendetta. Il a grandi trop vite, puis on va reparler, c'était sa dernière visite. Donc il a, il a, il a, il a, il a, il a, il a, il a. Il a grandi trop vite, puis on va reparler, c'était sa dernière visite. Donc il a, il a, il a, il a, il a, il a, il a, il a. 8h du mat, on lui ouvre sa porte, on lui dit prépare-toi, tiens la douche qu'attend. Il ramasse sa bassine, il va se faire assassiner. Un joint de cannabis, un mal emmagasiné. Allez, doudou, il longe le couloir. La brebis fait face au loup, sans le vouloir. Elle rentre dans la douche, on ferme la deux portes. Tout le monde le couche, on le bat, ça hardcore. Maman pleure, papa pleure, trop tard, trop versé la vapeur. Le quartier au cimetière, lâche une dernière lame. On a que la fatiha pour soulager son âme. Le quartier au cimetière, on lâche une dernière lame. On a que la fatiha pour soulager son âme. Hi, hi, lâche une dernière lame. Que la fatiha pour soulager son âme.